Exercice 11, page 125. A. Il vérifie son planning? Transformer. Il va vérifier son planning? B. Il étudie le français? Transformer. Il va étudier le français? C. Il recopie sa leçon? Transformer. Il va recopier sa leçon? D. Tu balais le salon? Transformer. Tu vas balayer le salon? E. Tu essuies la vaisselle? Transformer. Tu vas essuyer la vaisselle? F. Tu envoies le colis? Transformer. Tu vas envoyer le colis?